jour que je dompterai les rimes croisées suivies embrassées. Et mon cœur qui les anime est animé par une haine et une rage que je n'explique pas. J'ai l'écriture comme exutoire et mon stylo comme beretta. J'ai décidé un jour que mon support serait le papier. En espérant qu'on me supporte, je jette mon encre ou j'ai papier. Je prends des risques, je me dévoile, j'espère et je m'expose. Mais j'ai peur qu'à la figure, cette vie d'artiste m'explose. J'ai décidé un jour que le rap serait ma révolte. De le faire avec du cœur, jamais de façon désinvolte. C'est avant tout une passion, y'a trop de faux mais passons. Ces petites putes repasseront bien un jour ou l'autre de toute façon. J'ai décidé un jour de tuer mon spleen dans mes spliffs. Et il faut que j'avoue que Marie-Jeanne je l'ai kiffé. Et ma santé subissait son vice, mon nez de lynx l'a grillé. Pas de lyrique sans la rinx, alors depuis je l'ai quitté. De ne jamais vendre mon âme au diable. Même s'il m'attend, t'es bien souvent. Ne t'inquiète pas, je reste fiable. Infaillible, incorruptible, j'ai trop de respect pour mon art. Non merci, pas de bling bling, je laisse ça aux deux autres connards. J'ai décidé un jour m'exprimer, de me lâcher. Un gars de Saint-Denis qui fait du rap, pour certains c'est cliché. Bah classe-moi dans ce que tu veux, même dans du rap bon marché. En attendant, j'écris mes phases et je les écris sans tricher. J'ai décidé un jour que je deviendrai ce que je veux être. Sans jamais m'en remettre, ah, on verra où des peut-être. L'avenir ne t'attend pas, elle se construit tous les jours. Alors je marche tout droit, car j'ai déjà fait trop de détours. J'ai décidé un jour de profiter d'aujourd'hui, de vivre plus qu'hier, même si demain s'assombrit. J'ai compris que la vie est aussi belle qu'elle est fragile. Ils avaient raison, oui, tout n'est pas si facile. J'ai décidé un jour, j'ai décidé un jour. De ne plus jamais subir, la vie et ses déboires aux larmes. Je préfère de loin les rires, alors je l'ai prise par les cornes. Je l'ai défiée dans mon arène, depuis je la prends pour une conne plutôt que la prendre pour ma reine. J'ai décidé un jour, mais Dieu la France se démerde. Ils voudraient nous voir voter en nous laissant dans la merde. Mais le borgne a pris confiance, son deuxième tour m'a fait très peur. Alors depuis j'ai pris conscience et aussi ma carte d'électeur. J'ai décidé un jour de ne pas tolérer les racistes, car mes racines m'y incitent. Désolé si j'insiste, je peux pas croire que le front pourrait être une solution. C'est un problème à lui tout seul et face à lui je veux faire front. J'ai décidé un jour de faire la guerre à Babylone, car ils ont trop de préjugés et presque tous un bac ivrogne. J'ai hâte de voir leurs fils assister à mes concerts et de les entendre gueuler, car gardien de la paix qui inspire la guerre. Un jour.